Le délégué permanent de la solidarité nationale 15 juin et 4 octobre de Corée du Sud a ouvert le 14 à Séoul une réunion pour exprimer du soutien à l'ouverture du grand rassemblement pan-national pour la réunification proposé par le Nord et demander à toutes les organisations politiques et sociales et personnalités responsables du Sud à organiser le plus tôt possible le comité préparatoire du Sud de la conférence conjointe.